Vous écoutez La Croche Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1, une radio que l'on écoute aussi sur la toile à ckrl.qc.ca et cela autour de la planète. Alors Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie d'un artiste sonore inspiré par le hasard des voyages, les paysages issus de longs travelling et les idées que lui procure le souffle du vent. J'accueille ce soir en entretien Patrick Bergeron, un artiste qui fait carrière dans le monde hollywoodien des effets visuels et qui mène en parallèle un très beau projet artistique inspiré par sa passion pour la science, passion pour le potentiel des technologies et surtout pour les sonorités produites tout autant par de vieux instruments de musique que par la foule des badauds qui déambulent dans la nuit. Ingénieur de formation, Patrick Bergeron glisse dans le monde de l'art par le truchement du cinéma, lequel va lui inspirer de nombreux projets qui, eux, sont inspirés par le mouvement. « Mes œuvres, dit-il, sont le reflet de ma vie, toutes environnées de simplicité volontaire et dont l'aspect revendicateur se situe au niveau des gestes du quotidien. » Je referme les guillemets. Ses travaux de création, installations et vidéos d'art expérimental ont été présentés à travers le monde, une soixantaine de pays, et cela dans plusieurs galeries, festivals. On pense entre autres à South by Southwest, Ars Electronica, le Mois Multi, c'est à Québec, là où on a pu admirer l'une de ses œuvres majeures intitulée Loop Loop. J'ai rencontré Patrick Bergeron il y a quelques semaines, ici même dans les studios de CKRL. Alors voilà, sans plus tarder, parole à Patrick Bergeron. Patrick Bergeron, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer ce matin. Merci beaucoup. Patrick, écoute, je débute mon entrevue comme ça parce que en lisant ton curriculum, tu es ingénieur de formation. Je sais maintenant que tu travailles dans le domaine du cinéma, la création 3D, les technologies, tout ça. Et j'étais curieux de savoir comment un ingénieur de formation devient artiste multidisciplinaire. Comment se fait cette bascule dans le monde des arts? On peut dire qu'avant d'étudier en ingénierie, j'étais déjà artiste là quelque part, mais j'étais pas actif professionnellement. Mais je m'intéressais beaucoup, surtout à la musique à ce moment-là. Puis l'ingénierie finalement a été comme une espèce d'intermède un peu de par rapport à ce qui m'intéressait par rapport à l'art. Et finalement, c'est un grand détour que j'ai effectué. Peut-être qu'à ce moment-là, je n'étais pas prêt à m'investir en musique, tout ça. Donc, l'ingénierie m'a toujours intéressé aussi. J'étais assez bon en mathématiques, tout ça. Donc, moi, j'ai fait un grand, grand, grand détour en génie physique à l'Université de Laval. Ensuite, à la Polytechnique de Montréal en génie aérospatial. Pour compléter finalement tout ça et réaliser que c'était pas ma place. Parce que c'était une maîtrise de cours en industrie. Et sur place, je me suis aperçu que c'était pas nécessairement... c'était vraiment basic comme de base comme travail. C'était pas une... Je voulais travailler dans des affaires extravagantes. Puis finalement, j'ai décidé. Puis c'est par hasard que je suis tombé à l'Office national du film du Canada. Par la suite, en abandonnant finalement, j'ai fini ma maîtrise. Et ensuite, ben, j'ai cherché à faire quelque chose d'autre. Et c'est à l'ONF que finalement, j'ai après... je suis retourné sur mon chemin que j'avais entrepris avant. Mais une chose que je pourrais te dire quand même aussi, que j'ai en réfléchissant à tout ça, c'est à l'Université Laval, je prenais des cours de musique. On a des cours complémentaires à prendre. Donc, fait que j'ai pris 3 cours de musique pendant mon bac en génie physique. Des cours d'électroacoustique avec Neil Parent, puis des cours de multipiste d'enregistrement. Fait que j'étais encore un peu entre les deux, là. Et est-ce que tu étais, à cette époque-là, musicien un peu amateur ou si dans ta famille, tu avais déjà une... C'était amateur, c'était à la maison, là, j'avais une guitare, j'avais des amis qui avaient des claviers, j'empruntais des claviers et j'enregistrais. J'avais un petit 4-pistes et je me mettais à faire de la musique. Mais c'est très... j'aimais beaucoup la musique alternative dans le temps, fait que c'était un peu... C'était un mix entre bruit et mélodie, mais du patentage quand même. C'était c'était des pédales, puis tout analogue. Il y avait déjà tous les prérequis là, pour devenir créateur sonore, en tout cas. Patrick, écoute, on va écouter une œuvre pour se mettre un peu dans le temps. C'est une parmi tes premières œuvres de création sonore. Ça s'intitule « Dans la jungle ». Ça va te rappeler de bons souvenirs. C'est une expérimentation sonore qui date de 1987 et c'est un beau hasard parce que tu parles d'enregistrement cassette. Donc, c'était sur un enregistrement cassette 4-pistes. Alors, on écoute ça puis on poursuit notre conversation. Thank you. Patrick, j'aimerais qu'on parle d'une œuvre. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connu. Ça date de quelques années tout de même. Une œuvre qui était présentée au Mois Multis à Québec, qui s'intitule « Loop Loop ». Dans la documentation, tu parles d'un documentaire expérimental. Il faut rappeler aux auditeurs que cette œuvre-là a circulé dans de nombreux pays. On parle d'une soixantaine de pays, festivals, prix. Et c'est une œuvre à la fois photographique, vidéo, sonore. Et j'aimerais que tu me parles de l'histoire de ce projet Loop Loop, qui est un projet assez fascinant. Comment il apparaît? Comment il se développe? Loop Loop, c'est un peu... c'est parti d'un... J'ai fait un voyage en 1999 de 6 mois. C'était l'Australie, Nouvelle-Zélande et ensuite l'Asie. Surtout le Vietnam, Thaïlande, tout ça, mais Loop Loop, c'est des images qui ont été tournées au Vietnam. Puis j'ai vraiment, mon but de ce voyage-là, c'était, je m'étais acheté une caméra à ce moment-là, DV, là, mais là, très bonne qualité, je voulais capturer des images pour des futurs projets. Pour moi, Loop Loop, c'était le projet, dans tous mes projets que j'avais en tête, c'était le projet le plus court. Je me suis dit, je vais commencer par le plus simple, puis après, j'irai dans mes autres projets plus évolués. Mais finalement, ça m'a pris plusieurs années de travail sur ce projet-là. À la suite de mon voyage en Asie, j'ai déménagé l'année suivante, j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande pour aller travailler. Et c'est là-bas que j'ai pu développer un peu mon projet Loop Loop au départ. Donc, en tout, ça a probablement pris, je pense, ça a pris 8 ans pour finaliser ce projet-là à la fin. Là. Patrick, si on décrivait pour nos éditeurs Loop Loop, là, c'est une boucle, boucle vidéo. Comment ça fonctionne? Donc Loop Loop, comme je disais que c'était un projet simple, c'est 30 secondes tournées dans un train donc je suis le matin, 6h le matin, je tourne les images de. Je suis dans le train, je tourne les façades de maisons qui sont à l'extérieur du train, mais le train est en route. Puis de ce petit 30 secondes-là, j'ai créé le 5 minutes de la loupe, de Loop Loop. Donc on voit les maisons, on voit des gens qui attendent que le train passe. Et j'ai tout pris ces images-là, le 30 secondes, et j'en ai fait une image panoramique. Donc c'est une très, très, très, très longue image qui s'imprime d'une certaine façon. Et j'ai animé cette image-là dans un logiciel. Donc, il y a plein d'effets de ralenti, effets de retour à l'arrière, effets d'étage. C'est un film, on pourrait dire aussi d'animation, parce qu'il a été beaucoup travaillé. Donc, c'était un long... je sais pas si... C'est dur à la radio peut-être expliquer visuellement. Mais je pense que tu donnes une bonne idée. Et puis, on va se faciliter la vie, Patrick. C'est sûr que je vais donner aux éditeurs les références pour qu'on puisse aller jeter un coup d'œil sur la toile de ce projet parce qu'il est visuellement extrêmement intéressant. Ce projet-là aussi, ça serait un hybride parce que le son, je l'avais un peu abandonné pendant plusieurs années. Puis Loop Loop, c'est très simple comme sonore, mais j'aime beaucoup ce son-là. Mais j'ai vraiment fait, parce qu'il y a beaucoup de ralenti, il y a beaucoup d'accéléré, de retour. Puis le son suivait tout le temps mon image. Fait que c'était un premier projet visuel où j'avais un concept que le son suivait l'image. Là. Fait que j'ai un travail de son là-dedans qui est très simple, là, mais qui était quand même une base à ce qui a suivi après dans mes autres œuvres. Tout à fait, même une bande très, très efficace, très, très évocatrice. On va en écouter d'ailleurs un extrait de cet élément sonore de l'installation qui s'intitule Loop Loop. C'est une installation de 2009 tout de même. C'est une œuvre qui n'a pas vieilli, mais pas du tout, qui est encore très pertinente. Alors on écoute ça. Thank you. Patrick, dans la documentation, bon, tu t'intéresses au monde végétal, tu t'intéresses au cycle aussi des éléments naturels. C'est ce qu'on retrouve. Et il y a une phrase qui m'a un peu intéressé, un peu surpris. Tu dis, dans chacun de mes projets, chaque projet camoufle une prouesse sur le plan technique. Il y a quelque chose comme un défi. Et ma question est plus d'ordre général, mais comment ça émerge un projet de création chez toi? Est-ce qu'il y a un élément de hasard qui fait que j'ai le goût de faire telle chose, ou encore c'est une espèce de réflexion continue sur ton univers à la fois sonore, visuel? Comment ça émerge un nouveau projet? C'est une bonne question. J'ai beaucoup de projets en parallèle, mais il y a toujours, à un moment donné, il y a un déclic qui se crée entre peut-être deux projets. C'est lorsque peut-être deux de mes projets qui se réunissent, parce que j'ai des projets que je fais beaucoup de recherche, pas de recherche, ben, je dirais pas recherche, mais je fais beaucoup de tests et d'essais visuels, mais qui est tout simplement des trucs, des genres de transition visuelle ou des genres d'essais visuels avec des données. Je prends souvent des données que j'extrais, j'applique sur des images. Fait qu'il y a un look esthétique, comme on dit, que je développe. Puis il y a certaines idées des fois, les deux se réunissent ensemble. T'sais. Puis depuis plusieurs années, ma manière de travailler, c'était avec des images de voyage. Fait que c'est souvent... Donc, je suis allé aussi... c'est souvent en Asie. En Asie, on dirait que je me sens à l'aise de filmer, puis que les gens me... Ça leur dérange pas. T'es sur un coin de rue, puis tu filmes, tu fais qu'est-ce que tu veux. Là. Fait que souvent, c'est ça qui se passe. C'est le retour d'un voyage. Et là, je regarde mes images à tous les jours, tous les deux, trois jours. Puis là, à un moment donné, whoop, il y en a une qui m'agrippe. Puis là, il y a le côté, c'est ça, j'essaie souvent, quand j'ai commencé comme Loop, c'était aucune transformation finalement de l'image. Et donc à ce moment-là, c'était plus de trouver un concept qui allait vers de l'image, essayer de conter une histoire. Mais maintenant, je fabrique mes images qui deviennent plus abstraites, mais à partir d'images réelles souvent. Donc c'est ça, le voyage et la façon pour moi d'accumuler des images. Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Là. C'est quand tu es en mouvement que les choses se développent, que les choses apparaissent. Bien, je dessine pas. Donc, pour moi, c'est les images que je capture qui font ma source de création. Tout à fait. Écoute, sur cette idée de mouvement, on va écouter un extrait sonore d'un travail vidéo qui s'intitule « Vent ». On va parler de vent. C'est une vidéo d'images figuratives qui présente le vent sous toutes sortes de formes. Et puis, on revient ensuite sur cette idée de travail sur le vent là, qui te passionne depuis un certain temps. Alors, on écoute ça. Patrick, on s'est croisé une des dernières fois, en tout cas, qu'on s'est croisé sur le terrain, ton terrain artistique, c'était à Victoriaville. Tu y présentais un projet installatif intitulé « Histoire de vent », ou en tout cas, si ce n'est pas le titre exact, il en était question. C'était présenté à la Galerie d'art Jacques et Michel Auger. D'où vient, Patrick, cette fascination pour le vent? Parce que ça, c'est omniprésent à travers les instrumentations, à travers les images. Et il y a quelque chose là comme une obsession aussi, puis une passion, non? Je sais pas. J'y pense souvent à ça. À un moment donné, c'est... Ben, j'ai fait beaucoup de voyages en Nouvelle-Zélande. Je suis allé travailler là quelques fois. Je suis dans la ville de Wellington. Ils appellent ça Windy Wellington. Là, c'est une des villes à travers le monde qui vante le plus. Donc, à toutes les fois que j'allais tourner des images, parce que je suis tout le temps avec ma caméra, fait que j'allais sur le bord de la mer, j'allais me promener dans les forêts, tout ça, mais lorsqu'on filme, on a tout le temps ce fameux vent qui brise le son, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, de là vient mon intérêt de base au départ. T'sais. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que j'enlève le son? Ou que je garde ce son-là qui fait que le microphone est griche, est saturé, distorsion. Fait que ça, c'était une de mes bases de ce projet-là, vent, c'est de prendre tout mon matériel où le vent brisait mon son. Fait que le vent était fait avec toutes des clips où le son était brisé. Et là, je l'ai filtré, j'ai essayé de faire la percussion avec ça, parce que finalement, le vent, c'est comme un élément percutif. Fait que donc j'essayais de trouver le filtrer jusqu'à temps que je chante comme une percussion. Puis là, j'ai bâti un peu mon projet vent vidéo alentour de ça. Puis les images, c'est quand même des images de la mer, les images des herbes, les images de... Fait que le projet était à partir de ça. Mais le vent aussi, c'est quelque chose que... À toutes les fois que j'allais là-bas, ça me frappait parce que c'est... Ici, quand il vente, c'est correct, il vente, mais là-bas, ça devient comme un peu... C'est désagréable, à quelque part. T'sais. Ou à l'extrême, ça devient même euphorique, parce que tu es pris dans ce vent-là. Donc, le vent, c'est quand même un... C'est un projet qui est beaucoup relié à la Nouvelle-Zélande, qui a été quand même une partie de ma vie. Là. Depuis la pandémie, c'est comme terminé, là, mais ça a été vraiment une grande partie de ma... Je suis allé là plusieurs fois. Et dans ce projet de vidéo-là, je fais la coloration avec sur mon toit. Je suis toujours sur mon toit à Montréal, en train de jardiner, tout ça. Là. Fait que j'ai fait une corrélation entre l'état de... être à Montréal et être en Nouvelle-Zélande, mais tout ça d'une façon que personne ne comprend. Là, mais... Tout à fait. Patrick, on va écouter un extrait de cette installation intitulée « Histoire de vent ». Et on va y revenir parce qu'il y a tout de même le vent et il y a les instrumentations là, que tu exploites à travers ce projet. Alors, on écoute cet extrait de l'installation « Histoire de vent ». Patrick, dans cette œuvre, Histoire de vent, tu exploites tout de même de l'instrumentation musicale. On pense à l'harmonium, on pense à l'orgue, on pense... Bon, il y a un travail sur les objets qui produisent du vent, et ça aussi, ça fait partie de ton imaginaire d'objets qu'on retrouve dans cette expo-là. Tu es fasciné par les machines qui font du vent ou encore qui sont actionnées par le vent? C'est un peu... je dirais que c'était... pas ma passion, mais c'est devenu un peu par ce... C'est ce projet-là qui a un peu initié cette instrumentation-là. C'est tout un peu des hasards, mais ça faisait des années que je voulais jouer avec des moteurs. C'est un de des projets que j'ai laissé tomber depuis des années. Même avant l'université, j'avais comme des projets MIDI avec des moteurs, mais j'avais jamais réalisé ça. Fait que ça a été ma première fois que je touchais au contrôle de moteur, mais c'est du moteur AC. Là. Puis projet Histoire de vent, en tant que tel, la boîte que j'ai fabriquée, c'était assez complexe. Là. Si quelqu'un va sur mon site web et qu'il regarde les images, on voit l'arrière, c'est assez épeurant, là, tout ce qu'il y a de patenté en arrière de ça. Donc, initialement, c'était seulement cette boîte-là que j'avais fabriquée. Ça, c'est une boîte qui se branche électriquement, ouais. Mais j'ai fait une sortie aussi. Fait que c'est un peu par hasard. À un moment donné, j'avais mon orgue. Je venais juste d'acheter mon orgue. Mais cet orgue-là, c'était l'orgue aussi qui comme dans mon projet Vent que tu as parlé auparavant, parce que l'histoire de Vent, ce qu'on pourrait dire, c'est que souvent, je fais un projet vidéo. Puis du projet vidéo, il y a une installation qui en découle. Fait que Histoire de vent, c'est ce qui vient de mon projet vent. Et ce fameux orgue-là, c'est l'orgue que j'ai pris pour faire la musique de mon projet vent. Mm-hmm. Puis là, un peu par hasard, j'ai branché l'orgue sur mon kit. Puis là, ça s'est mis à jouer au rythme de mes écrans qui tournaient. Donc, c'est devenu comme une partie intégrante de... À ce moment-là, je faisais ça pour un expo, puis mes collègues d'exposition, je leur ai dit « Hey, ça vous dérange pas qu'il y ait du son? » Parce que c'était pas prévu au départ. Puis de là, après, est partie toute un peu une imaginaire là, avec les ventilateurs. Fait que on part du vent qui devient électrique, qui repart de l'électrique vers le vent. Là. C'est comme un peu de... Il n'y a pas trop de symbolique, mais c'est comme c'est le parcours électrique des ondes qui part de la nature vers le vent synthétique. Là. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1, Gaëtan Gosselin, avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. J'accueille ce soir le vidéaste spécialiste des effets spéciaux, effets visuels au cinéma, artiste sonore, Patrick Bergeron, qu'on a découvert ici à Québec dans le cadre du Mois Multi et que j'ai croisé récemment au Centre d'art Jacques et Michel Auger de Victoriaville dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Passionné par l'histoire des technologies, grandement inspiré par ses voyages, Patrick a créé des installations, des projets qui évoquent la puissance allégorique du vent, la puissance allégorique du son aussi, qu'il s'agisse de celui de vieux instruments, de musique ou encore d'appareillage plutôt inédit. Patrick, alors on continue cette rencontre. Bon, évidemment, on est dans le domaine de la création vidéo, on est aussi dans la création sonore et à travers ce projet Histoire de vent, on se retrouve aussi dans la création d'art visuel. On a les objets, c'est pratiquement sculptural, tout ce travail. Quand on regarde l'importance que prend les technologies dans ton travail, on est un peu tenté de savoir si tu as flirté jusqu'à maintenant avec les nouvelles formes de création, l'intelligence artificielle ou encore les technologies. Puis j'aimerais ça savoir un peu comment tu vois venir la création avec l'appui de ces outils-là maintenant, que sont l'intelligence artificielle puis les technologies. Parce que bon, je parle aussi à l'ingénieur de formation dont on sent la présence en arrière-plan de ces travaux. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est... Bien, côté création visuelle, ça ne m'intéresse pas encore. Je me dis peut-être qu'à un moment donné, j'en aurai besoin, mais je m'en sers déjà, moi, de l'intelligence artificielle pour le son, un peu. Dans la jungle que tu as fait jouer auparavant, tous mes sons de cette époque-là, je les ai passés dans l'intelligence artificielle et ça sépare des tracks. Ça sépare le drum, ça sépare la guitare, la voix, tout ça. Fait que ça me permet ça fait 4 nouvelles tracks. Et là, ça me recrée un autre matériel que je peux recréer encore. Fait que dernièrement, je me suis remis à prendre mes vieilles chansons. Je passe ça dans l'AI qui sépare mes tracks. Fait que pour moi, l'AI, c'est plus un outil de... Comme visuellement aussi, on voit ça souvent maintenant, l'agrandissement de l'image. Tu sais, il y a toutes sortes de techniques, mais c'est pas encore... Par rapport à mon travail qui est en effet visuel, l'AI ne dépasse pas encore ce que je fais manuellement. Mais je regarde tout le temps ça, où ça s'en va, parce que bientôt, il y a plusieurs étapes que je fais même dans mon travail, que je vais passer par l'AI pour après faire ce que j'ai à faire. Mmh. Fait que pour l'instant, moi, c'est un outil de préparation à mes œuvres. C'est pas un outil visuel de création. C'est vraiment un outil qui va... Comme si c'était un marteau qui permettrait de faire des petits bouts. Puis après, je m'en vais avec ça faire une création. C'est extrêmement intéressant parce qu'au fond, on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais de l'aborder là, avec des créateurs qui l'utilisent comme d'un levier, comme d'un outil là, qui permet de progresser différemment. Et je t'écoute décrire le découpage en strates que ces instrumentations intelligentes peuvent nous permettre de faire pour recréer des univers à partir d'un matériel qui est passé. Écoute, là, on va écouter une trame sonore. C'est tiré d'une vidéo qui s'intitule « Vague de nuit ». Et c'est un travail que je trouve très intéressant parce qu'il est un peu comme un écho de Loop Loop, ce travail, ce projet de vidéo, mais dont le sonore est très intéressant. Ça s'intitule « Vague de nuit ». Alors, on écoute ça. Ça te dit quelque chose, Patrick, Vague de nuit? Ben oui. Oui. Ben c'est un peu, dans tout ce, c'est ça, c'est, des fois, les gens essaient de comprendre tout ce que je fais, mais dans tout, dans tout mon site web, tout ça, ben j'ai le côté art visuel que je développe de plus en plus, mais côté vidéo, on pourrait dire que j'ai trois projets. T'sais, j'ai eu Loup Loup, j'ai eu Vague de nuit, puis j'ai Vent. T'sais, ça, c'est mes trois vidéos. Comme Vague de nuit, c'était... J'appelle ça quasiment une performance, Vague de nuit, parce que c'est encore pendant un voyage en Asie. Tous les soirs, j'allais sur un coin de rue. Je me cherchais c'était la nuit tout le temps. Donc, je me cherchais des espaces lumineux ou des édifices au loin lumineux. Puis, en faisant des micro-mouvements de caméra, je créais des patterns un peu. C'est un peu... c'est un visuel que les gens ont souvent vu... Souvent, caméra fixe, puis les gens se bougent avec une lumière, puis ça fait des espèces de lignées de lumière. Mais moi, c'est un peu l'inverse. C'est la caméra qui, en faisant des micro-mouvements petits, là, j'arrivais à avoir des fréquences. Donc, je faisais des cercles, des espèces de spirales, puis j'accumulais tous ces trucs-là. Je pouvais passer une demi-heure sur un coin de rue à emmagasiner. Je devais être drôle à voir les gens qui passaient, disaient « qu'est-ce qui... » Qu'est-ce qu'il fait là, lui, ce gars-là, à filmer, mais en shakant, tu sais, c'est comme, c'était un peu bizarre, mais... Fait que moi, je vois mon voyage en écoutant mon film. C'est toute ma progression, puis ça, j'ai essayé de trouver... J'ai fait le son aussi, relié à ça, j'ai essayé de faire des belles... C'est un projet que j'ai travaillé fort sur ce projet. Des fois, je travaille trop fort sur des projets, là. Je me perds un peu dans mon projet, là. Version 30, version... Thank you. Patrick, pour compléter notre rencontre, quels sont là, les projets qui t'animent de ce temps-là? Est-ce qu'il y a des avancées, soit sur le plan de la recherche ou de la conception en tant que telle de projets artistiques qui s'en viennent? Raconte. L'année dernière, j'ai fait un petit projet de 2 minutes 30 qui s'appelle Ombre acoustique, en anglais aussi. Il s'est promené plus, fait qu'Acoustic Shadow. Ça, c'est un projet très technique, mais visuellement, finalement, il est très intéressant. Il est allé dans un festival en Europe, là, il est allé dans des festivals au Québec, ici, dans des... Puis là, j'ai un expo en septembre en Islande. Fait que je suis en train de... Je sais pas à quel... C'est encore en développement, mais j'ai le vidéo qui va être présenté, mais là, je vais faire un peu de l'accompagnement aussi visuel. Encore là, ce vidéo-là, c'est un vidéo... C'est les données de vent qui ont été extraites d'images de mon projet vent et qui sont appliquées visuellement sur un spectrogramme. Fait que ça fait comme une espèce de balancier, mais qui relaie au vent, mais qui génère un son. En tout cas, donc c'est vraiment ça rentre un peu dans la vague de, même tu parlais de McLaren ou des Vazulka ou c'est de l'expérimentation sonore assez pure. Là. Puis l'expo en Islande, c'est une expo de groupe. Puis le thème, c'est art et science aussi. Fait que c'est un mix de... Puis ça va vraiment à la bonne place. Là. Tout à fait, très cohérent avec toute ta démarche. Patrick, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. Puis on va conclure ça en écoutant une trame sonore intitulée « Stéréo-cassette », trame sonore qui fait aussi partie de cette expo que tu présentais au Festival international de musique actuelle de Victo. Donc c'était présenté dans ce cadre-là. Grand merci. Merci. Merci Gaëtan. Alors voilà ce qui complète l'accroche-oreille pour ce soir en compagnie de l'artiste multidisciplinaire, créateur sonore Patrick Bergeron. Grand merci à Patrick de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres que vous retrouverez sur son site intitulé patrickbergeron.com. Tout simplement, vous découvrirez ses œuvres sonores et ses installations aussi, ainsi que ses travaux visuels proprement dit. Vraiment un site très intéressant. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site L'Accroche-Oreille, ainsi que toutes les émissions pour écoute ou encore réécoute à votre guise. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Je vous laisse sur des sonorités de Patrick Bergeron. Alors voilà, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.